ce qui a réveillé non seulement les sages, mais aussi les forts. Donc, et les sages sont réveillés à l'issue de l'église. Donc, Dieu prépare une parole sur la tête qui va bouleverser l'église. N'est-ce pas, frère? Je vais encore me faire comprendre. Je ne suis pas de prêcher la doctrine qui est faite. Nous avons dit juste de parler selon ce qui est maintenant. Donc, je vous avez un à la lumière d'une brochure, je m'en excuse. D'accord, frère? Mais je vais dire cette façon-ci. Alors, une parole va venir sur la tête pour réveiller les églises. Je vais dire de cette façon. Ce qui est écrit là-bas. Une voix va venir parler, tout se réveille. Tout se réveille. Et les sages, et les forts. Alors, les sages se sont réveillés. Est-ce que vous êtes prêts? N'est-ce pas, frère? Vous savez, moi, c'est comment là? C'est où? C'est allumé, non? Merci. Donc, lorsque le cri a eu lieu, lorsque le cri a retenti, la Bible déclare que tout s'est réveillé. Vous vous remarquez, que tout s'est réveillé. Maintenant, qui sont les hommes? Regardez sur le plan physique, sur le plan universel. Quels sont ce qu'on appelle les vieilles choses de vie? Qu'est-ce qui pourrait arriver sur la tête des vieilles choses? Vous me comprenez, frère? Je vous pose la question. Qui est-ce qu'on peut considérer comme vierge pour la parole appelle qui vierge de folle? C'est qui? La dénomination, les personnes qui sont privées d'esprit. C'est qui? Ceux qui sont privés d'esprit. Ok. Maintenant, ça veut dire que tout le monde sur la terre, après le nom du Seigneur Jésus, nous sommes du mal. C'est la preuve avec nous. Pas vrai? Pendant que vous allez aller à la voie de lieu de prière, d'autres sont allés rentrer. Après, l'autre, le regard avec la Bible, il dit salut même pas en tant que son frère. Vous ne vous savez même pas. Le balbutiement, le catholique, il est perdu. Pendant que le catholique, c'est le rêve de l'homme. Le premier jour, c'est le rêve. Ils sont sortis. Ils voient les gars qui ont la chrétienté pour lui. Pas vrai? Alors, je pose la question, qui est vieux fort, qui est vieux sage? Vieux fort, vieux sage, c'est deux groupes, des gens qui appellent le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui, d'autres n'ont pas les conditions dont l'autre se trouve, n'est-ce pas? Maintenant, regardez quel est le moment. Quand les puissants, les gens, tous ont pris les larmes, n'est-ce pas? Mais le problème, c'était les larmes des uns et des autres, c'était éteint. N'est-ce pas? Alors que même la lampe était restée quoi? Allumée. La lampe, c'est quoi, frère? Dans la Bible. La parole. Dans la parole. Pourquoi la parole n'avait pas été éteinte? N'était pas restée l'aide morte pour les âges? À cause de l'huile. Et l'huile, là, c'est. Vous devez lui poser toutes les questions, frère. Posez-vous des questions. Si vous lisez ça chaque fois, vous prêchez, j'ai envie de prendre la vie, celui-ci a dit, et donc on a dit, celui-ci a dit, posez-vous les questions. Et vous, qu'est-ce que vous en dites de vous-même par rapport à ça? Vous connaissez que c'est la parole. Vous connaissez que la parole, c'est la lame. Et que la lame est censée être éteinte, il n'y a pas l'huile. Vous posez pas les questions, frère? Ça vous pose pas les questions? Vous devez poser les questions. Ma lame a-t-elle l'huile? Ma parole a-t-elle accompagnée de l'esprit? Posez-vous des questions. Si vous avez pour répondre non, vous appartenez automatiquement aux catégories de vierges fortes. Même si vous prêchez cela. Nous avons le problème de pas faire. Donc, il faut le réveil. Il faut le réveil. Il faut le réveil personnel. Pas le redoublement. Non. Il faut le réveil personnel. Réveillez-vous. Préparez-vous. Le Messie à la porte. Préparez-vous. On se lève encore pour voir la tête, il faut qu'il mette le nez. C'est votre père qui doit être purifié. Il faut que ces choses sortent. Alors, on a prié. Vas-y de vous, allez à sa rencontre. Tous sont pris le lac. Les pauvres ont remarqué que tu as la parole de prêcher. Ils vont prêcher dans les moments. Prêcher les choses générales du royaume, mais sans l'accompagnement de l'esprit. Maintenant, regardez quel traitement. Pour que vous voyez, là, le niveau nous situons dans le sein de l'esprit. Ils sont donc venus vers les sages pour dire. Donnez-nous un peu de votre vie. Nous voulons un peu voir comment vous faites pour manifester le Saint-Esprit. Ah, ils ont dit, on n'a pas le temps d'apprendre encore ces choses-là aux gens. Allez au CH, ceux qui en vendent. Donc, si vous aimez les miracles, vous aimez avoir l'esprit, allez chez les barabous. Et nous sommes en plein. Donc, la Bible dit, qu'au moment de la venue du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ont l'apparence en vie vont aller acheter l'esprit chez les barabous. Nous sommes en plein là. Vous poursuivez. Allez acheter ces sucres en bas. Il cherche quoi? Il cherche quoi? Il cherche du sucre. Et on lui dit, allez acheter. Or, ceux qui sont prêts avaient acheté gratuitement de Jésus. Parce qu'il leur a dit, Seigneur, venez. On a vu ça aussi dans Isaïe 57. Venez acheter de moi de l'eau gratuitement. Ils ont eu le temps de le faire. Et le temps de le faire, ça veut dire que quand vous avez ces choses-là, cette huile-là, que vous donnez, vous ne donnez pas la voix de vous partir. Donc, la condition, si les gens peuvent être prêts, c'est avoir le baptême dans le Saint-Esprit. Vous voulez que vous vous donnez le baptême, si vous en avez vu. Donc, voilà, c'est à quoi vous pouvez vous attendez à faire. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez juste vous faire là, parce que ça ne vous servirait à rien de développer toute la théorie. C'est sur ça donc, que vous serez escalé. C'est pour ça que vous comprenez. Alors, les vierges forment en Dieu à cause de lui. Lui, lui a été donné. Donc, il est là pour qu'il puisse être dans la table de la vie du Seigneur. Ce n'est pas vraiment dans Dieu qu'on donne lui. On donne lui pour être préparé. Parce que la Bible déclare donc que ce ne sont pas seulement les vieux qui seront vivants. La parole a dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, vous voyez, c'est un mystère. Parce que d'autres personnes ont attendu pendant des siècles et n'ont pas pu se faire. Pour coucher dans la mort, le sommeil là, pour faire vivant, ça ne change rien par rapport à l'avènement. C'est que le Saint-Esprit vous a donné, vous ne mourrez plus jamais. Vous voyez ça? Donc il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Sinon, en fait, nous pouvons en plein là-dedans, les pasteurs vont acheter lui. Ils vont acheter l'Esprit qui fait les miracles. Et ils corrompent même les vrais enfants du Seigneur. Il y a d'autres qui disent, pourquoi tu fais le miracle parce qu'il vient avec ta main. On a même là-bas, ça va le Saint-Esprit. Ils commencent à vous appeler l'Esprit Saint-Esprit. Donc c'est que la parole peut chasser dans le monde. Il ne va pas te prendre pour avaler. Vous avez mon frère? En priant par six mépôts, allez à sa rencontre, tout se réveille et puis les lames. Les faux disent au sage, donnez-nous de votre lieu. Parce que notre lame, c'est terre. Il n'y a pas de manifestation chez nous. Vous voyez? Parce que nous avons compris que chez nous, il y a l'esprit. Comment faire pour avoir cet esprit-là? Ok, donc vous allez voir, allez faire le culte théologique ici. Allez voir les parables. La Bible déclare de marquer très attentivement. On dit que malgré que la vie du Saint-Esprit sera proche, les gens détruisent depuis la croix, c'est pour aller chercher les autres pour pouvoir avoir l'esprit. Il dit que pendant qu'ils y allaient, on a cherché la voie de l'esprit chez les marabouts frères. On allait acheter ça en dehors du Seigneur Jésus. On dit pendant qu'ils y allaient. Donc il y a des gens, comment prêcher comme ça pour se préparer à l'avènement, ils seront livrés pour des choses contraires à la volonté du Seigneur. Qui est vrai sage, qui est vrai fort, vous devez répondre à la question sur vous. Et quel groupe vous trouvez? Parce que si vous êtes de l'église, vous appelez le nom de Jésus, vous trouvez dans un groupe. La réalité, c'est vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, à Satan et à Dieu. Satan vous connaît. Vous vous connaissez, et vous connaissez nous, et nous deux avons Satan. Et c'est le jour où il y a l'enlèvement, que tu vas chercher le champ, tu vas être caché dans un champ, c'est là que l'esprit pourrait comme c'est fait, tu vas te lever, c'est avec moi qui était. Je vais commencer à fonder les bénéficiaires. Il n'y aura plus nulle part à se cacher sur la terre. Tout le monde, tout ce qu'ils disent, vous savez ce que c'est. D'après ça, le moment de jugement et de grâce de la sur l'église, sur la terre. Alors, il n'est pas, vous n'y entendez pas, il n'y a pas de ralenti. Il n'y a pas de. La Bible déclare la suite plus tard. Ils sont venus dire au Seigneur, ouvrez qui je le sais, vous êtes. Parce qu'ils ont intégré sur la terre, Seigneur, on ne peut pas mettre d'accord, on est mal parlé, on n'a pas le temps de se préparer. Non, le temps est terminé. Et sur le coup, c'est le Seigneur qui fait la mort. Donc quand il ferme la porte, quand il ferme la personne, il peut ouvrir. Il n'y a pas de problème. Quand il y a une décision, c'est terminé. Donc pendant qu'il est temps, tâchons de le retrouver. Pendant qu'il s'est ouvert, cherchons le. D'accord, frère? Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Vous ne serez pas d'accord avec moi, non plus, parce que c'est l'écriture. Alors maintenant, souvenez-vous de ceci. Avant que l'équipe ici pour rentrer dans mon pays, je vais arriver au feu. Vous le propriétaire, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus, vous ne serez plus même. Quand vous allez écouter cette voix, vous ne serez plus même. Amen. J'ai dit, quand vous allez écouter cette voix parler, vous ne serez plus même. Votre vie spirituelle commence la révolution maintenant. Amen. Donc écoutez très attentivement. Samedi, nous allons nous rencontrer. Donc, préparez-vous. Si vous n'avez pas eu à jeûner, nous allons jeûner ensemble. Prenez 3 jours de jeûne communion, le Saint-Million prie. Prenez 3 jours respect à la repentance avec le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous pardonner de tous les mensonges. Les choses que vous avez dit de votre corps pour être libre à l'impurité, toutes ces choses. Demandez au pardon pour vous purifier. On va se réunir ici, ça ne va plus. D'accord, frère? Oui. On arrive au siècle où la nuit du flat de mort. Frère, j'ai une nuit qui est 6h à 6h. Non, je ne pas de 3 jours sans manger, sans boire, sans fonction du palais. Donc nous sommes samedi. Vendredi, Jésus. Donc Jésus m'a dit, quand vous revenez, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, jusqu'à ce samedi arrive. D'accord, hein? Comment vous regardez votre voisin? Vous avez fait ça ici? Ok. Donc

Est-ce que vous pouvez? L'amour est prouvé. Ce que vous faites ici, petits enfants, n'ayons finalement pas en parole. Mon frère, je t'aime. Mon frère, je t'aime. Mais avec action, on a absolument que la pratique, il y avait de l'humour. Que l'amour soit pur, simple, joie, sans voix de politique. D'accord, frère? On a beaucoup besoin de répandre à cause de ces fausses choses qu'on a mélangées. On a vu la vie la vie en priant un jeune homme, c'est pas ça. La vie est une relation entre Dieu et une relation entre les individus. C'est notre responsabilité. D'ailleurs, on a fait ce qu'il dit, parce que Dieu et Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Il a voulu même que les membres soient l'une de nous les plus faibles pour que ceux qui sont forts puissent se soutenir. Et là, il y a six tout un membre souffre, tous souffrent ensemble. Si un membre est honoré, tous sont honorés. Faites cela, peut-être que vous me prenez au milieu de vous. Faites cela. Vous comprenez bien, hein? J'espère que c'est corrigé, j'ai répondu à la question. Il n'y a pas question de l'égalité au milieu de Dieu. Il est question de la loi et de la grâce. On est sur la grâce, c'est un peu comme on dit aux gens, on dit que c'est pas prédestination, on dit ok, c'est prédestination, c'est quoi, on a les doigts. Les gens qui ont compris cette prédestination de la Bible n'avaient pas basé les doigts. Vous voyez, c'est pas pourquoi j'ai mis des cartes de l'air. Vous dites, des prêches plus ça. Si quelqu'un se va, alors c'est pas sur l'esprit de façon. Malgré que puisse être monté, c'est la prédestination, il y a vraiment envie de prêcher. Je pense que vous comprenez, on cherche toujours des doux même pour pouvoir expliquer l'évangile. Donc, finissons le travail avec Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. Ce sont ces choses qu'on est censé enseigner. Si on n'enseigne pas ça, vous sortez du monde, de votre tradition, de votre niveau de vie, venez en Christ avec votre culture, vous continuez comme ça. C'est ça qui fait le problème. Parce qu'il y a une séparation à l'instant où tu as rencontré Christ. Des choses, des yeux du monde. Chapitre 4, verset 17, et suivant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. On leur prête tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, jouer à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous détruire. Eu égard à votre vie passée. Amen. Vous avez ça, c'est la propos là. Donc il y a un enseignement. Si on vous enseigne Christ, normalement, de la bonne façon, il y a des critiques. Il a commencé par dire, parce que je vous le recommande dans le Seigneur. Il me dit, la vie est différente de la marche, c'est bien autrefois. Ils voulaient ne plus marcher comme le païen qui marche selon la vanité de leurs pensées. Ils ont leur obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Ils m'aiment vous. Vous savez la qui là maintenant. Ils m'aiment vous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris et puis difficile du moins. Ça veut dire que si vous avez appris Christ, si quelqu'un est en vrai pour la bonne façon, vous en jouez de ce moment, vous devez être de même en réalité. Il dit c'est en lui, c'est en lui, c'est en lui que vous avez été inscrit à vous détruire. Donc il y a l'enseignement sur le détruirement qui est allé au but passé. D'accord? Ça veut dire que le style de vie que tu menais là-bas, on doit te prêcher puisque tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner cette façon de faire, ce n'est pas le vie de pied. Vous comprenez, n'est-ce pas? Cette assurance est souvent ce n'est pas le légalisme. C'est ce qu'on connaît, c'est ça. Pourquoi il a dit là? Parce qu'il a été chargé pour prêcher ça chez le païen. Le païen était descendu, était convaincu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais d'accord, t'es sûr, le Seigneur Jésus qui va être envoyé. Pas vrai? Donc, il n'y a pas de légalité dans le milieu de Dieu. Jésus a dit que si vous me regardez quoi? Bon, donc garder le commandement, ça dit fermer la Bible comme ça, vous allez garder la Bible, c'est ça? C'est ça, frère? Bon, on garde le commandement comment? On garde. Le commandement, c'est quoi aujourd'hui? Hein? C'est le peuple de Dieu. Comment on fait la distinction de ça entre ça et la loi? La Bible déclare dans Jean que si vous accomplissez la loi royale, vous accomplissez. C'est pas ça? La loi royale. La loi de Christ vient, aime ton prochain. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. C'est la loi royale. Comment vous accomplissez cela si vous ne le faites pas en pratique? On veut dire, on voit le droit dans 1 Jean chapitre 3 ici. Que la plus en pratique, cela, c'est si je vois mon prochain, je fais ce que je vous souhaite. Comment ça se passe? Je lui dis, c'est la loi qui est faite. Donc, pour vous, quand vous êtes chrétien, je suis spirituel. Je suis chrétien, c'est ça? C'est pas ça, d'accord? Votre vie, votre relation propre, c'est avec le Seigneur. Quand vous rencontrez maintenant, c'est entre vous et le Seigneur et les gens. D'accord. Alors, je dois exprimer l'amour de Christ envers le nom de Seigneur. Nous avons besoin des uns, les autres. L'assistant au Saint, c'est écrit dans la Bible. Souvenez-vous de la prisonnière, quand vous êtes dans la chair, c'est écrit là-bas dans le Luc et Hébreux chapitre 1, chapitre 13, verset 1 à 4, n'est-ce pas? C'est écrit là-bas. Souvenez-vous de la prisonnière. Ici, la Bible a déclaré comme mettre en pratique, comme les autres, c'est magnifique. Nous mettez la parole en pratique. La parole en pratique, c'est très important. La parole ne consomme pas être pour avoir seulement le salut. La Bible ne consomme pas le salut. Il y a le salut et la manifestation du salut, les œuvres pour attendre. Il y a la raison d'attendre le Seigneur Jésus, la raison de vivre pour attendre. Cette façon-là, c'est la marche, on appelle ça marche chrétienne. Il y a la marche chrétienne qui dépend des autres marches. Et si tu marches dans la vie chrétienne, en marchant comme où tu marchais avant, il y a un problème. On doit t'enseigner à te débrouiller pour égaliser la vie-là. D'accord, mes frères, il n'y a pas de égalité dans le milieu chrétien. Des questions encore, des préoccupations? Oui, avant que nous avance. Je vais vous poser une question par rapport à la mariage, le dogme. Vous avez parlé de dogme. J'ai écouté les enseignants, vous avez dit tout ce qui prend le dogme, c'est le Seigneur. Donc je voulais savoir si tu veux que c'est par rapport à si c'est par rapport à ce qu'on a dit, comment faire. Oui, vous avez suivi la question, non? Dis ça, on va pas bien comprendre. Allô? Oui, oui. J'ai écouté les enseignants, si le mariage. Oui, avec un effort, puis le rôle. Voilà. Tout le monde n'a pas pu, et c'est tout ce qui prend dans ses volets. Voilà, il voulait savoir si. Si la science, ses parents seront convaincus, comment? Bon, tu ne veux pas marier, n'est-ce pas? Tu veux qu'il te donne les arguments pour ne pas prendre ta part, c'est ça? Tu veux qu'il te donne les arguments pour ne pas prendre ta part? Bon, maintenant, regardez. Ce sont des corrections que le Seigneur a mis en ligne. Ce sont des corrections que le Seigneur a mis dans le milieu. Il a dit, c'est qu'il a dit, peut-être qu'il n'est pas au courant. Je me pose là, et puis la question pour savoir, et puis il ne parle pas de mariage. Pourquoi parce que les questions sont issues. Il a dit que j'ai enseigné qu'on ne paye pas la dot. Ce n'est pas pour ne pas prescrire dans votre vie qu'on paye la dot à un mariage. Avec raison, je l'ai dit. Et il pose la question donc, si les parents de la fille ne sont pas convaincus de droit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Moi, je dis à ma mère, la parole de Dieu est là. Si tu dis à quelqu'un que tu ne vas pas sur le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas le conseiller. Vous allez conseiller. Non, vous n'avez pas conseillé. Mais si tu aimes la personne, tu vas faire parce que la personne va venir chez toi. Donc la dot me pose problème. C'est que j'ai dit qu'on ne fait pas la dot, ça vous pose problème. Vous dites que vous êtes selon les écritures, vous vérifiez les écritures. C'est presque une nulle qu'on peut la dot de femme à Marie, à même Maria. N'est-ce pas vrai? Alors, vous voyez, dans ce sont des choses qui est naturellement qu'on a mis. Dans l'Ancien Testament. C'est ça, il y a ce que vous parlez. Oui, vous êtes dans l'Ancien Testament. Oui. Les gens se marient comment? Moi, je vous donne votre mari, par exemple. Bon, en fait, moi, je crois qu'il y a. En fait, tu as travaillé pendant 7 14 ans. Voilà, Jacob a travaillé 14 ans pour avoir son deux femmes. 17 ans, 7 ans. Donc, c'est ça la donne à la mort. Bon, c'est parce que je pense. Comme il a battu au tout bout, sinon je. Si quelqu'un peut l'aider, aidez-le, c'est vrai pour faire. Alors, on va en faire le comme ça ou bien? Ah, c'est bon. Non. Tu veux dire? C'est pas ça. Moi, j'ai deux questions. Alléluia. J'ai deux questions. Bon, je voudrais savoir qui peut. C'est qui ma maman va appeler des chrétiens. Et puis après, ce nom de Marianne. Dieu a dit pour la Bible que l'homme ne doit pas avoir les rapports sexuels se font dans le mariage. Mais nous étant donné que dans le mariage, il n'y a plus de dot. La Bible dit qu'il n'y a plus de dot, ni que les mariages sont droits actuellement. Donc pourquoi Dieu appelle dans le mariage, il doit avoir les rapports sexuels dans le mariage, parce que c'est plus un moment. Donc, en fait, il y a une question de la vie. Comment on appelle le chrétien?

Parce que si quelqu'un a fait ceci de ce temps, le temps que tu as, il va te mettre toi. Tu vis ici comme ça, toi tu fais ça. Mais si on est à demander comme ça, tu ne vois pas la fin. Vous voyez. Donc c'est tout si fort à l'église. Ce n'est pas dans les enseignements. C'est vrai, on se rassemble. On dit si, on fait. Mais ça, ça ne nous avance pas. Seul le baptême de cet esprit peut faire avancer. Et quand la chose va venir, telle est une grande différence. Une différence entre le péché que vous êtes et le péché que vous êtes aujourd'hui. Comme le Dieu et le péché que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment, je remercie le frère. Peut-être que si on a du mal de dire quelque chose, ce n'est pas trop grave. La Bible dit, si à quelque point vous n'êtes pas d'accord, restez ensemble, car le Saint-Esprit éclairera par la suite. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans toute place. Mais avec le temps, le Saint-Esprit nous éclaire. Priez, priez d'abord que le Saint-Esprit soit là et l'éclairage sera là. C'est tout ce que tu as. Donc, c'est ce moyen que je voulais vraiment rendre avant que l'on puisse se lever pour prier. Parce qu'un nouveau jour va se lever sur la Côte d'Ivoire. Amen. Tout à l'heure, c'est vous. Vous mettez tout simplement dans le genre de prière à la Côte d'Ivoire. Ils vont nous dire exactement ce qui s'est passé à l'état. Et la parole à nous, un témoignage de paix a été enregistré dimanche nuit, dans la zone de Grand Laïe située. Le test est là. Et puis, bon, nous redonnons le flambeau de paix le plus puissant en Côte d'Ivoire. Vous avez fait progressivement. Nous sommes dans une zone vraiment sismique très chaude. Il y a eu vraiment quelqu'un très autorisé qui a eu une vision et qui a dit que vraiment il a vu, ce dont le frère vient de parler là. Voilà, c'est-à-dire qu'une inondation, les gens. C'est pas une inondation, c'est une notion historique, c'est terrible. Et après, la parole a continué à tout le comportement des gens. Aujourd'hui, par exemple, une fois j'ai assisté à un film où Pierre et Paul parlaient. Parce que, on dit, Paul disait des choses difficiles que ceux qui ne comprennent pas par le sens de leur propre vie. Parce que Pierre reconnaissait que Paul est un messager de Dieu. Mais seulement, il dit des choses que eux-mêmes, souvent, ils ne comprennent pas. Mais néanmoins, il ne pas contredit Paul. Il savait que c'était un envoyé de Dieu. Et bon, il l'acceptait. Et un jour, j'ai vu dans le film où Paul et Pierre discutaient. Vous dites que non, la voix de Dieu, en tout cas, c'est plus valable pour nous. Pierre dit, un jour que nous parlons aujourd'hui jusqu'à maintenant, il parle encore, c'est comme ça. Donc, ils ont discuté jusqu'à maintenant, finalement, ils ont attendu quelque part. Où allez-vous? Donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Avec la présence de Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont se dissiper. Donc, à certains de nous, nous à la présence de Saint-Esprit, et beaucoup de choses vont être apportées. Tout la main de Dieu, tout la main. Notre Père Céleste, nous voulons vraiment te dire merci, parce que c'est toi qui conduis ton œuvre, ce n'est pas un nom. C'est pourquoi c'est à toi toute la gloire. Alors, nous remercions vraiment pour le message qui a été apporté au Père Céleste et nous te demandons, Père, de continuer l'œuvre que tu as déjà commencé et de l'achever. Père, nous comptons vraiment sur le secours de ta grâce. Maintenant, pendant que nous allons disperser, sois vraiment avec chacun de nous et conduis-nous et fortifie chacun de nous pour que, Père, nous puissions encore nous trouver ici autour de cette parole. Que l'on ait la gloire dans les miennes, c'est dans le précieux nom de Christ Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, information, je crois qu'il y a. Le mardi. Mais le mardi, c'est à 17h. Hein? 16h, non. Voilà, à partir de 16h, la réunion commence. Hein? Voilà. Pour que ceux qui vont au travail, dans 16h jusqu'à 20h, je suis au voilà, on peut les faire. Voilà. Maintenant, le baptême, je pense qu'on. On va faire ça maintenant. Non, mais combien ça s'est bon. C'est à combien? C'est à combien? Mais qui ça? Non, c'est pas étant, c'est pas étant pour le matin. N'oubliez pas vos portables là. C'est la femme. Les femmes, hier vous avez laissé le pain ici. Ah, je vais dormir, je vais pas vous faire vivre. Les portables. Je vais pas ici, je peux pas aller faire vivre. Souvenez vos frères bien-aimés, j'aurai le temps de causer avec chacun de vous, un à un. Donc j'aurai le temps, on aura à causer. Peut-être même mardi, je vais m'asseoir pour causer avec chacun de vous. On va pas juste se voir comme ça en éclair et gérant. On va causer. Donc je vais m'atteler à causer avec chacun de vous. On va voir des choses, s'il faut dire des choses spécifiques pour vous-même. On va voir par la grâce du Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Quand ça? Mardi. Si tu viens pas, tu es grillé. Amen. Vous êtes devenu mon frère. Vous êtes devenu mon frère. Ah, vrai. Vous êtes devenu mon frère. Ok, frère. Chérie, il faut que prendre de lait. Oui. Il faut prendre de lait là. Ouf. Ah, mon frère. Ouais. Là. Non, pas dans le c'est moi qui baptise. Ah, non, peut-être non. Ok. Tu veux baptiser, frère? Non, c'est.